de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, Autour de vous ne se limite plus aux actualités locales, aux manifestations à venir et aux artistes à suivre. Je vous propose une fois par mois le portrait d'un animateur de la radio pour découvrir qui se cache derrière la voix qui vous berce ou vous divertit via votre autoradio. Alors aujourd'hui, nous allons faire une émission un petit peu spéciale puisque nous allons parler de l'actualité internationale et nous ne sommes pas à l'abri que cela arrive chez nous, à savoir la remise en cause de l'interruption volontaire de grossesse. Ce sujet est un peu délicat à aborder, c'est vrai, mais il est à mon sens nécessaire d'en parler. C'est pourquoi je suis accompagnée de trois personnes, à savoir Jean, qui est animateur bénévole de RGM, mais aussi qui est un gynécologue à la retraite. Bonjour Jean. Bonjour, bonjour à nos auditeurs. Bonjour Laura. Bonjour. Je suis aussi avec Catherine, qui est sage-femme. Elle est aussi avec nous pour aborder tous les points médicaux et sociaux d'une IVG, et une jeune femme qui est avec nous pour témoigner de son expérience. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour cette première émission spéciale qui en appellera peut-être d'autres par la suite. On ne peut pas commencer sans revenir sur l'actualité, à savoir le vendredi 24 juin de cette année, la très conservatrice Cour suprême des États-Unis a enterré l'arrêt Roe v. Wade, qui depuis près d'un demi-siècle garantissait le droit des Américaines à avorter mais n'avait jamais été accepté par la droite religieuse. Désormais, les États fédérés ont toute la liberté d'interdire ou non l'avortement. C'est une décision historique qui remet en cause le droit à l'avortement pour les Américaines fondé sur l'arrêt de 1973. Cette décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales mais renvoie les États-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt de Roe v. Wade. Roe v. Wade est un arrêt historique rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité à la constitution des lois qui criminalisent ou restreignent l'accès à l'avortement. De 1973 à 2022, la justice américaine fédérale considérait que le droit d'une femme à l'avortement relevait du droit à la vie privée, protégé par le 4e amendement, et autorisait donc l'avortement au niveau fédéral au titre du respect de la Constitution. Pour vous faire une idée plus concrète sur les conséquences de cette décision que je qualifierais d'ineptie, depuis que ça a été remis en question pour les 25 États qui ont été prévus de passer des lois anti-avortement, il n'est pas prévu d'exception pour viol et inceste en Alabama, en Arkansas, en Floride, dans le Kentucky, en Louisiane, dans le Missouri, en Oklahoma, en Ohio, Dakota du Sud, Tennessee, Texas et au Mississippi, ou pour raison de santé, à savoir l'Idaho, le Dakota du Sud et en Arkansas. Ça fait quand même beaucoup d'états qui restreignent tout ça. Du coup, avant de nous lancer dans une première pause musicale, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça, tous les trois. Moi, je dirais vive la France. Oui, qui vient voter. Hein. Voilà. La France a voté la constitutionnalité de l'interruption volontaire de grossesse à la grande majorité. Générale. Voilà. Il n'y a pas eu d'abstention, il y a eu peut-être quelques abstentions, mais il n'y a pas eu de voix contre. Donc, et pour modifier la Constitution française, je crois qu'après, il faut 66% des électeurs, enfin des députés, hein, ou un congrès député, oui. Sénat. Enfin, ça reste peu probable. Surtout quand c'est une grande unanimité, je suis assez fier de mon pays. C'est ça. Et puis on voit pas très bien notre président qui est tout à fait d'accord avec cette loi demander un avis supplémentaire. Oui. Donc ça paraît vraiment très très peu probable. Donc vive la France, le pays des droits de l'homme. Je pense que l'affaire est classée pour la France. Hein, je pense que. Mais en tant que femme, moi, je suis très heureuse de pouvoir vivre en France et pouvoir être écoutée dans mes choix et dans les choix de mon corps et d'être accompagnée par des gens, en tout cas pour ma part, bienveillants, qui nous accompagnent aussi médicalement, mais psychologiquement dans ce choix-là. Et ça me semble complètement invraisemblable qu'un jour on puisse revenir là-dessus. Et heureusement que... on vit en France pour nous les femmes. On a la chance d'être ici, mais qu'est-ce que vous pensez concrètement du retour en arrière des États-Unis sur ça ? C'est une régression nette et franche hein, du droit des femmes de disposer de leur propre corps. Quoi. C'est surtout extrêmement grave en matière d'interruption médicale de grossesse, ou interruption pour, je dirais... anomalie fœtale grave ou état de la santé maternelle que la grossesse peut aggraver ou mettre en cause. Je pense que dans ces états-là, c'est quand même assez terrible. Je crois qu'il faut que cette loi existe, même si on n'est pas forcément pro-IVG, mais il faut que cette loi puisse exister et que cette technique puisse se pratiquer, quoi. C'est le bon sens, enfin, je... Moi, je pense que ça engendrera de lourdes conséquences pour les femmes qui vont avoir des enfants qu'elles n'ont pas voulu, pour peu importe la raison, médicalement aussi, si elles sont en danger d'être en grossesse, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, de mener une grossesse et que ça les met en danger médicalement, mais je pense surtout à ces enfants qui vont naître et qui ne sont pas voulus. Qu'est-ce qui va leur arriver? Enfin, il y a tout un aspect social et psychologique aussi là derrière, de pour moi d'avoir un enfant dont on ne veut pas. Enfin, par exemple, tu en parlais suite à un viol. Comment on fait psychologiquement pour élever un enfant dans de bonnes conditions? Quelle situation ça va amener ça par la suite? C'est ça, moi, qui me fait peur. Pour l'enfant aussi, si jamais il veut connaître ses origines, ça peut avoir un impact psychologique sur lui aussi. Je voulais dire aussi que j'ai vu des manifestations, parce qu'il y a anti et pro-avortement, où il y avait une pancarte d'un couple qui avait mis « on peut adopter ». Une femme qui a été, par exemple, violée ou même qui veut pas une grossesse, est-ce que vous pensez qu'elle peut mettre une grossesse à terme pour que son enfant soit adopté par la suite ou pas? C'est légalement tout à fait possible, hein. L'abandon d'enfants à la naissance est possible, oui. Et c'est des enfants qui sont rapidement adoptables. Hein. Oui. Oui. Disons que nous, en France, on a les deux procédures, hein. On a l'accouchement sous X où la femme ne donne pas son identité, mais elle peut changer d'avis tout au long de sa vie. Et l'accouchement au secret, ça veut dire elle accouche, elle fait acte de confier son enfant, au service de l'aide sociale à l'enfance. Il reste là dans ce service pendant un délai de 2 mois, le délai où la femme peut se rétracter. Et puis ensuite, l'enfant est adopté en adoption plénière, c'est-à-dire que ses nouveaux parents vont être des parents avec tous les droits des parents, et les parents géniteurs n'ont plus aucun droit. Donc c'est deux procédures différentes, possibles. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, l'état d'esprit est un peu différent, c'est-à-dire que si une femme veut garder une grossesse ou est obligée de garder une grossesse avec ces nouvelles lois, il est mieux accepté par la société américaine qu'une femme puisse porter une grossesse et ensuite l'offrir à un couple, une femme, un homme, voilà. Et dans la société, on ne juge pas ça négativement. En France, une femme qui garde une grossesse et qui dit ouvertement à son entourage, que ce soit l'entourage familial ou professionnel, elle dit « cet enfant, finalement, je vais pas le garder et je vais accoucher au secret », c'est extrêmement mal perçu dans notre société. C'est tabou ? Alors, c'est même pas... c'est tabou. Oui, c'est-à-dire que notre société, où nous ne comprenons pas ce genre de démarche. Comment une femme peut être heureuse d'offrir une nouvelle vie à cet enfant sans elle-même rester la mère? Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, je pense que on n'a pas la même manière de percevoir la grossesse en France et aux États-Unis. Ça, c'est extrêmement clair. Mm-hmm. Extrêmement clair. Après, certes, vous pouvez faire adopter l'enfant, mais il faut quand même poursuivre la grossesse. Mais si l'enfant est le fruit d'un viol, c'est quand même lourd à porter de poursuivre la grossesse jusqu'au bout, justement. Oui, alors, dans ces situations-là, moi j'ai connu plusieurs femmes dans ces situations-là. Elles sont dans le secret de la grossesse, hein, donc quelquefois même elles font un suivi de grossesse. Enfin, ça c'est mon travail, hein, de les accompagner pour qu'il y ait quand même un suivi médical correct. Alors moi je prends soin d'elles pendant tout le temps de la grossesse. Quelquefois elle accouche dans la maternité où elle a été suivie, puis quelquefois elle va accoucher dans une maternité où vraiment elle n'est pas connue. Et ces femmes-là, elles disent que c'est vraiment une épine dans le pied, quoi. Donc confier son enfant ensuite soit en, enfin en X pour elle c'est un vrai soulagement. Donc la grossesse est, là je pense en particulier à une femme que j'ai suivie récemment pendant la grossesse, elle cachait son ventre, elle était habillée en noir, elle avait beaucoup de mal à prendre soin d'elle. Elle a accouché, elle était dans cette procédure-là, et métamorphose, un mois après la naissance, elle était habillée avec des couleurs claires, elle était toute belle, bien coiffée et tout. Donc, on s'en remet, quoi. Hein, on n'est pas marqué à vie parce qu'on a accouché sous X, et parce qu'il vous est arrivé un truc affreux de vous retrouver enceinte suite à une agression. Donc... voilà, on peut vivre après, mais c'est vrai que ce temps de la grossesse est un peu un temps suspendu qui est très difficile à vivre. Et la naissance est une libération, ça c'est clair. Mm-hmm. Oui, parce que durant la grossesse, il y a un moment donné de la grossesse, on sent le bébé qui bouge, donc oui. On sent elle a la vie en elle, oui. Mais ça peut lui rappeler aussi les mauvais souvenirs. Elle se dit complètement. Mince, voilà quoi. Complètement, vous avez complètement raison, Laura. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette femme-là, elle disait par exemple que quand elle était allongée sur son lit, elle ne bougeait pas pour que l'enfant ne bouge pas. Enfin, elle s'interdisait de bouger en espérant que cet enfant-là ne bougerait pas trop. Bon, finalement, il bougeait, hein, parce que le bébé, lui, il vit sa vie dans le ventre de sa mère. Elle reste une mère quand elle accouche, voilà. Mais c'est très, très difficile à supporter, hein. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ces femmes-là, elles ont besoin d'être... entourées, elles ont besoin d'avoir un environnement bienveillant. Enfin, moi, je fais tout mon possible pour essayer. Je n'étais pas la seule. Hein, on était une équipe à prendre soin d'elles, hein, pour que voilà, elles se sentent le mieux possible. Voilà, le mieux possible. Mmh. Mais c'est très douloureux. Oui, c'est vrai. Oui, parce que sur le plan psychologique et physique, normalement, il doit y avoir un lien quand même. Hein, sentimentale ou fibre maternelle, je sais pas comment on pourrait dire ça, entre la mère et l'enfant. Mais du coup, comme elle est dans le rejet, c'est un peu compliqué tout ça. C'est d'accepter de mener une grossesse à terme et avoir l'impression qu'on porte un fardeau presque, finalement. Parce qu'elle peut pas mettre fin à sa grossesse, elle est obligée d'aller jusqu'au bout, quoi. Non, mais elle respecte la vie qui est en elle. C'est une douleur. Il faut accepter. Être femme, quelquefois, c'est ça aussi. Alors le lien maternel, là, on va mettre des guillemets, hein, parce mm-hmm. que le lien maternel, faut pas oublier qu'il y a des femmes aussi qui sont dans des dénis de grossesse très très puissants. Hein. Elles accouchent, elles savent même pas qu'elles sont enceintes, hein, et elles savent même pas que ce qui sort d'elles c'est leur enfant. Donc, vous voyez, l'instinct maternel, ça c'est mm-hmm. voilà, c'est un, alors j'allais dire c'est presque un vieux mot du passé. Hein. Mm-hmm. Voilà, on est des êtres humains, on n'est pas mm-hmm. voilà on est des êtres vivants, mais on est humains. Puis il y a des femmes. Instinct, je suis pas trop d'accord avec ça. Il y a des femmes qui accouchent et qui n'arrivent pas justement à avoir ce lien direct avec leur enfant et pour qui ça se passe pas si facilement à la naissance. Et justement, parfois elles le comprennent pas parce que on n'évolue pas aujourd'hui dans cette optique des choses où on fabrique un peu l'image parfaite de la femme enceinte qui accouche, qui est très heureuse d'avoir son bébé avec qui ça se passe tout de suite bien. Et en fait, parfois c'est pas le cas. Ça arrive et on n'en parle pas souvent de ça. Alors peut-être on va parler un peu du papa. Oui. Hein? Alors on disait par exemple, on disait que une mère, elle, quand un bébé, alors un tout petit, hein, qui vient d'arriver au monde, une mère reconnaît le pleur de son enfant. Alors il y a des tas d'études qui ont été faites, et en fait, oui, c'est vrai, la mère, elle reconnaît le pleur de son enfant parce qu'elle est en permanence avec, et donc elle a appris à reconnaître le pleur de son enfant. Alors quand on demande au papa de reconnaître, bah ils sont pas très. Voilà, c'est un peu difficile, sauf que notre étude montre bien que si le père passe autant de temps avec son enfant que la mère, le père reconnaît très très bien son enfant. Donc là aussi, hein, c'est l'instinct qui est remis en question. C'est-à-dire que plus on passe du temps avec son enfant, plus on apprend à le connaître et plus on apprend à l'aimer et à s'y attacher. Donc c'est pas féminin particulièrement. C'est voilà toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant, et donc le père la place aussi extrêmement importante. La place du père, c'est aussi prendre soin de son enfant. Donc, donnons du temps au père pour qu'il puisse prendre soin de l'enfant. Et alors, on aura un instinct paternel voilà, aussi développé qu'un instinct maternel. Voilà. Donc, le mot instinct, c'est vraiment à mettre avec des pincettes. Peut-être que c'est un mot qui appartient au passé. Il faudra peut-être augmenter le congé paternité. Quelle bonne idée. Ce sera une autre émission, ça. Déjà, quand ma mère m'a mis au monde, c'était 3 jours le congé paternité. Avant, par un temps, c'était 15 jours. Maintenant, c'est 1 mois. Donc, heureusement que ça s'est un peu amélioré avec le temps. Peut-être que ça va monter encore un peu, je sais pas. À voir sur le long terme. Je vous propose de nous lancer dans une première pause musicale avant de parler de l'avortement en France. Donc, on va écouter un titre que j'ai trouvé sur YouTube qui s'appelle « Mon corps, mon choix », Rove Suede, chanson pour l'avortement, et on se retrouvera juste après sur le 107. Enceinte n'est pas mon choix, mais ça ils ne l'entendent pas. Ils ne veulent pas voir les centres dans tous les états, tous dans le même combat d'ici à l'autre continent. Commence par l'avortement et finit par tous nos droits. Oh, des droits jamais acquis, à qui demander protection quand tu les vois prôner pro-vie. Oh, merci veiller à l'immigration, veillons sur la santé des femmes. Mon corps, mon choix, mais ça ils n'entendent pas. Les armes ont plus de droits que moi, et ça je ne comprends pas. On ne s'occupe pas assez de ceux qui sont déjà vivants. Un embryon, c'est pas une vie, alors on se détend. C'est un juge qui décide pour la moitié d'un pays. Et tant pis pour la santé des femmes, elles n'ont pas leur mot à dire. Mineurs violés sans argent, c'est convenable pour élever un enfant. Tant pis, ils auront une vie minable, tant qu'on contrôle le corps des femmes. Choisir pour moi sans demander mon avis, avis lié par une naissance non désirée. Ils disent aimer la vie, mais laissent les gamins armés tirer les uns sur les autres. Est-ce vraiment mieux qu'avorter? Oh, ils disent plus rien à craindre, mais pour ne plus être enceinte, signer le retour des saints. Pas assez de ceux qui sont déjà vivants. Un embryon, c'est pas une vie, alors on se détend. Cinq juges qui décident pour la moitié d'un pays. Et tant pis pour la santé des femmes, elles n'ont pas leur mot à dire. Mineurs violés sans argent, c'est convenable pour rêver un enfant. Tant pis s'ils auront une vie minable, tant qu'on mon corps, mon choix, mais ça, ils ne l'entendent pas. Les armes ont plus de droits que moi, et ça, je ne comprends pas. Cinq juges qui décident pour la moitié d'un pays. Et tant pis pour la santé des femmes, elles n'ont pas leur mot à dire. Mineurs violés sans argent, c'est condamné pour rêver un enfant. Tant pis s'ils auront une vie minable, tant qu'on contrôle le corps des femmes. Tant pis s'ils auront une vie minable, tant qu'on contrôle le corps des femmes. Tant pis s'ils auront une vie minable. Nous voilà de retour sur les ondes de RGM. Donc après avoir parlé des États-Unis, je vous propose de revenir en France parce que, comme je le disais au début de l'émission, nous ne sommes pas à l'abri que ça arrive chez nous, même s'il y a des... Vous avez parlé de lois, Jean. Moi, je reste quand même sur la réserve. J'ai toujours peur que ça... Non, il y a l'unanimité des députés sur le sujet. Donc, ça va être inscrit dans le marbre, dans la Constitution, et ce sera quelque chose de durable. Donc, ce sera un article pérenne. Je pense que ce sera, à mon avis, impossible et très compliqué de revenir en arrière. Et c'est tant mieux. Voilà. J'ai trouvé cette chanson sur YouTube. L'artiste a elle-même écrit, composé et bien sûr interprété cette chanson qui a un texte fort. Son nom de chaîne YouTube est Rachel au piano. Pendant sa chanson, elle parle du retour des cintres. Du coup, Catherine, vous nous disiez que vous savez quelques mots là-dessus. Oui, parce que quand l'IVG était uniquement clandestine, il fallait pouvoir créer, interrompre la grossesse de manière un peu artificielle et empirique. Et en fait, les femmes utilisaient le fil de fer du cintre pour introduire ce fil de fer dans l'utérus, percer l'œuf et provoquer une infection. Et c'est l'infection qui était le début de la fausse couche. Et après, ça c'était très empirique, ça se pratiquait en France, puis là c'était au petit bonheur la chance, quoi, parce que soit la femme elle faisait une infection, puis elle expulsait toute seule, mais et puis une infection, on sait pas où est-ce qu'elle s'arrête, hein. Oui. Donc les femmes pouvaient mourir de voilà. C'était un grand classique, les infections à perfringens, qui était un germe anaérobie qui donnait des véritables gangrènes utérines et des septicémies avec mort maternelle. On a tous connu ça au début de nos études, avant les lois autorisant l'IVG en France, qui date de 1972, je crois, hein, c'est ça. 13. La loi Veil. Grand débat. Et la grand débat, 13, 4, oui. 73, 74, oui. Et la loi inscrite en la loi janvier, Veil, février. Mais avant, il y avait eu des lois en 1920 qui pénalisaient lourdement l'interruption de grossesse, avec des procès retentissants. Oui. Des accusations d'infanticide. Et puis il y a eu des procès retentissants, le procès de Bobigny par exemple en 71, avant la loi Veil. Mais la légalisation de l'IVG a permis de faire disparaître quand même la mortalité maternelle liée à cet acte médical, quoi. C'était quand même quelque chose de très lourd, quoi. Même si les femmes n'en mouraient pas toujours, il y avait quand même beaucoup de séquelles utérines, de perforations utérines, de choses comme ça, qui pouvaient donner des stérilités ultérieures. C'était aussi. Disons que Simone Veil a permis à ce que cette loi soit votée, mais c'était un peu un échange du donnant-donnant. C'est-à-dire que la loi, elle n'était pas là pour donner des droits aux femmes. Elle était là pour supprimer les avortements clandestins qui tuait les femmes. Donc, pour lutter contre les avortements clandestins, il fallait absolument que l'avortement soit autorisé. Parce que quand il est clandestin, ce sont des femmes, ordinaires, militantes des associations qui pratiquaient les IVG, avec donc ce pourcentage important de morts, alors soit par infection, soit par hémorragie. Quelquefois, l'IVG était pratiquée de manière très, très médicale dans des cliniques, mais qui était hors la loi. Donc, les médecins qui pratiquaient ces IVG pour des raisons très militantes le faisaient très proprement. Les femmes devaient payer. Et là, elles étaient sauvées parce que c'était médical. Mais la loi de Simone Veil, c'est pour... avoir un accès à l'IVG en milieu médical sécurisé pour sauver la vie des femmes. C'est ça la vraie raison de la loi de l'IVG. C'est pas pour mon corps, mon choix, mon droit, hein. Mm-hmm. C'est pour éviter les morts maternelles lors des interruptions de grossesse qui étaient faites de manière sauvage, avec les cintres, avec toutes les méthodes, par des gens qui n'étaient pas du monde médical. Et donc, à partir de 1971, il y a eu des IVG avec Delphine Seyrig, etc., avec la méthode Carman. Voilà, c'est ça. Hein, la méthode Carman. Méthode américaine. Méthode totalement illégale en France, mais pratiquée dans des conditions correctes et propres, simples, efficace a permis déjà de montrer que c'était possible de le faire médicalement sans complications infectieuses. Sans mettre la vie des femmes en danger. Les gens qui le faisaient étaient dans la stricte illégalité. Hein, complètement. C'est complètement. Mais c'était des militants de la première heure. Oui. Voilà, c'est... C'était fait un petit peu sous l'emprise, enfin, sous de mouvements féministes comme le MLF. Hein, voilà, c'est ça. Oui, c'est une lutte. C'est une politisation un petit peu de cette. À l'époque. Le procès de Bobigny, c'était le summum de l'horreur. Une mineure enceinte, et en plus une grossesse dans le cadre d'un viol, que la loi interdise à cette jeune fille d'avorter et de sauver sa propre vie et physique et morale, on va dire comme ça, morale, psychologique, que la loi en France l'interdise, ça c'était insupportable pour les femmes. Hein. Et c'est ça qui a fait basculer aussi l'opinion publique. Et puis, fameux manifeste des 343, entre guillemets, salopes, comme ça a été étiqueté. Oui, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des bus, Dans ce manifeste que j'ai relu hier, il parlait de 5000 morts par an. Oui, c'est énorme. 5000 femmes qui mouraient par an d'IVG clandestine dans des conditions aseptiques, surtout d'infection, quoi. Et d'hémorragie. Et parmi ces femmes qui avaient signé, il y avait quand même Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Delphine Seyrig, qui était une actrice, etc., et Agnès Varda. Ah oui. Il y avait quand même des gens. Oui, qui avait pignon sur rue Après, on sait bien que l'IVG, ça touche toutes les femmes, tous les âges, tous les milieux. C'est presque... Alors, dans les statistiques, aujourd'hui, on dit l'IVG, ça touche... une femme qui est confrontée à l'IVG, c'est presque une femme sur trois. Donc c'est énorme. On commence à procréer. On pourrait commencer à procréer à partir de l'âge de 12 ans et on procrée jusque 45 ou 50 ans. Donc qui est un raté dans toute cette vie, ça paraît tout à fait ordinaire, banal, tout à fait possible. Enfin, une grossesse qui arrive malencontreusement dans la vie d'une femme, ça paraît tellement banal. Alors après, heureusement que nous avons un droit à l'IVG. Ce qui est par contre très surprenant, c'est le nombre d'IVG qui reste largement stable. Ah oui. On a 800 000 naissances en France et on est entre 220 et 230 000 IVG par an. Oui. Et ça, je pense, c'était quand même un échec de l'efficacité de la contraception ou de la prescription de la contraception. Là, c'est quelque chose qui me... Ah, c'est bien. C'est deux notions différentes. Je pense que... Pas une bonne prescription. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont une contraception, mais qui ne correspondent pas. Pas adaptées. Pour des tas de raisons. Voilà, oui. Et puis, peut-être, un manque de contraception dans le choix, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés quand même, on peine. Alors pourquoi? Parce que sûrement ça n'intéresse pas les chercheurs, les labos. Peut-être que ça rapporte pas assez. Enfin, peut-être que c'est trop compliqué. Faire des tests sur des femmes, c'est au niveau pharmaceutique, c'est compliqué. D'ailleurs, beaucoup de médicaments sont testés uniquement chez les hommes. Puis après. Après, on les donne aux femmes. Des fois, c'est pas très. C'est pas très. Et oui. Vous faites une drôle de tête. Oui, c'est vrai, c'est reconnu. Dans les études, quand on étudie les médicaments, c'est très difficile d'y inclure des femmes parce que c'est pas dans le standard. Elles risquent justement d'être enceintes dans l'étude, donc on les exclut très rapidement et donc on teste les médicaments plutôt chez les hommes. Donc peut-être que faire une contraception ou tester un médicament contraceptif chez une femme, c'est compliqué. Alors peut-être que c'est pour ça, je suis dans les suppositions, peut-être que c'est pour ça que notre choix de contraception est extrêmement restreint. Et la contraception chez les hommes, ça n'intéresse a priori pas beaucoup les laboratoires. Je sais pas pourquoi, j'ose pas dire. Et la contraception masculine qui essaye et qui a un petit peu le vent en poupe, c'est le fameux anneau contraceptif. Voilà. Mais ouais. Voilà, les hommes sautent pas de joie à l'idée de... Voilà. Donc il y a beaucoup de travail à faire, d'information. Voilà. J'en parle beaucoup aux jeunes, hein, de cet anneau contraceptif pour hommes. Ils semblent curieux. Ouais. Les couples qui adoptent cette contraception sont des couples, comment dire, très égalitaires, ouais. Avec une vraie volonté de partager cette charge mentale du choix de la contraception. Et donc, qu'en est-il du point de vue efficacité, taux de grossesse? Alors voilà, là c'est un vrai problème, ouais. Parce qu'il faut du temps pour la mettre en place. Parce que la spermatogenèse, c'est quand même quelque chose, voilà, qui dure 72 jours. Donc voilà, donc ça veut dire spermogramme avant, contrôle de spermogramme après. Voilà, contrôle de spermogramme après. Il y a un temps, voilà, il y a un temps pour que la contraception soit efficace. Est-ce donc, qu'on arrive à zéro spermatozoïde? Ben alors là, vous me posez une colle. zéro, je sais pas. Enfin, ceux qui font ça très sérieusement défendent l'idée que effectivement c'est une contraception qui fonctionne bien. Qui fonctionne. Mais ouais. Parce que il faut une assiduité, faut avoir une volonté vraiment de partage. Voilà, c'est j'allais dire un cadeau que le couple se fait de dire nous partageons cette charge de la contraception. Donc voilà, alors les études, il y a une grande étude qui est en cours, hein, parce que on a eu des mails pour nous demander d'en parler beaucoup autour de nous et de pour recruter des couples qui seraient d'accord pour faire cette étude. Donc les choses vont peut-être un petit peu évoluer, hein, de ce côté-là. Mais à part ça, voilà, contraception hormonale chez les hommes, oui, je sais qu'il y a des choses en cours, mais voilà, il faudrait que ces associations militantes masculines et plus d'impact sociétal, et pour l'instant c'est encore très très timide. Voilà. J'avais vu dernièrement sur un site internet qu'un homme avait voulu subir une vasectomie parce que sa femme avait été sous pilule et il voulait pas d'enfant, donc il a pris ses responsabilités et il a subi une vasectomie pour être sûr de pas avoir d'enfant. Et dans les commentaires, il y en a qui disaient oui, t'es qu'un sous-homme, t'es plus un homme. Je cite, hein, ce qui était marqué dans les commentaires, ça vient pas de moi, maintenant oui. Tu tires à blanc. Alors pour certains, la vasectomie, c'est une perte de la virilité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça, Pas du tout. La vasectomie, c'est de la tuyauterie, le canal déférent qui amène les spermatozoïdes du testicule jusqu'aux vésicules séminales et la prostate. C'est un petit tuyau, simplement. Il suffit de ligaturer ce tuyau pour interrompre cette continuité, hein, ce qui fait qu'il n'y a plus de spermatozoïdes. Il faut attendre 72-73 jours, faut contrôler le spermogramme. Mais ça ne touche pas du tout la sécrétion hormonale qui fait de la spécificité du comportement et du caractère mâle. Hein, ça n'a rien d'hormonal, quoi. C'est simplement... ça ne diminue pas la quantité de sperme, puisque le sperme, il est sécrété par les vésicules séminales et la prostate, avec l'adjonction des spermatozoïdes, mais qui représente un volume ridicule par rapport au liquide séminal global, quoi. Donc, ça ne change rien du tout. Alors, ça peut changer psychologiquement, parce que culturellement, comme vous le dites, les hommes peuvent se sentir diminués, mais ça n'est pas argumenté, quoi. C'est psychologique. Voilà. C'est ce que j'en... Et vous, Catherine? Ben, c'est une pratique que nous en France n'est pas tellement utilisée. On préfère, là encore, hein, voilà, on préfère encore que ce soit la femme qui se fasse ligaturer ses trompes. Donc là aussi, c'est de la tuyauterie, hein. Mais voilà, sauf que c'est beaucoup plus lourd, parce que la vasectomie, ça peut se faire en consultation, tout simplement, sous anesthésie locale. Voilà, en 20 minutes, c'est réglé. Quand il faut faire une ligature chez les femmes, alors on a trouvé des systèmes, etc. Voilà, c'est les ligatures de trompes, c'est sous anesthésie, ça demande une hospitalisation d'une journée. Il y a eu les systèmes Essure, oui, mais qui... voilà, qu'on a repris mais en fait très de manière très frileuse. Donc voilà, pour les femmes c'est un peu compliqué. Voilà, mais alors voilà, c'est toujours les femmes ont qu'à le faire et puis les hommes voilà. Donc voilà, si on veut un petit peu d'équité, oui, c'est une méthode assez assez utilisé à travers le monde, hein, en Angleterre, en Inde, voilà, c'est les pays qui sont en tête de liste de la vasectomie, voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les stérilisations tant féminines que masculines sont irréversibles, hein, en gros, hein, c'est extrêmement compliqué de rétablir. On peut pas revenir en arrière pour une vasectomie? Non. Ok. Parce que pour une ligature des trompes, on peut. C'est compliqué. Parce que je suis née d'une déligature des trompes. Ouais. C'est exceptionnel, quoi. Oui. Hein, c'est une intervention exceptionnelle. Oui. Après, peut-être que ce qui est difficile, mais là où on va rejoindre un petit peu un débat sur l'IVG, peut-être que ce qui est difficile pour un couple, c'est de se poser et d'envisager de est-ce qu'on veut encore des enfants? Quel choix de vie nous voulons pour les 10, 15, 20 ans à venir? Est-ce que nous voulons encore des enfants ou pas? Alors, il y a des couples qui disent... a priori, on veut pas d'enfants, on veut plus d'enfants. Mais est-ce que vous, si on leur demande, est-ce que vous seriez prêt à faire une ligature? Alors là, tout d'un coup, ils vous disent ah ben non, on va réfléchir. Non, je veux plus d'enfants, mais voilà, je suis pas prêt à ça. Enfin, donc là, il y a vraiment un travail d'accompagnement à faire et puis un changement de mentalité au niveau social. C'est-à-dire que voilà. Bien sûr que les enfants que l'on fait plutôt tardivement, alors parce que il y a quand même une horloge chronologique biologique pour les hommes et pour les femmes, enfin très très fort pour les femmes, qui fait qu'à partir d'un certain âge, on ne pourra plus faire d'enfants. Donc, faut peut-être se poser la question, et il y a beaucoup de couples qui ne prennent pas le temps de se poser. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de proposition de ligature. Et puis aussi, on doit respecter certaines règles pour avoir accès à une ligature des trompes, non? Il faut Sûrement un délai de réflexion. 4 mois. Et on ne doit pas avoir déjà 3 enfants. Non, on oublie ça. D'accord. Ça, c'était... autrefois. À une époque où c'était illégal. Ça a été illégal. Oui, ça a été illégal. Et les professionnels qui le pratiquaient n'avaient aucune assurance professionnelle. N'étaient pas couverts. Quand ils faisaient ça. Et on réclamait... il y avait une règle tacite qui disait 40 ans moins le nombre d'enfants. Voilà. 37 ans si vous êtes 3 ans. Mais c'était une règle purement tacite, quoi. C'est vrai que stériliser quelqu'un qui a 20 ans, ça poserait quand même des problèmes éthiques majeurs, parce que nul ne connaît son avenir en totalité. Et puis la réticence des couples à la stérilisation, c'est pour conserver un choix. À mon avis, pour conserver cette possibilité. C'est pour pas fermer définitivement une porte, voilà. Je pense que c'est, on veut plus d'enfants, mais on peut encore vouloir choisir plus tard. Moi, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir. Enfin. Alors après, oui, je comprends. Après, le monde d'aujourd'hui est différent. Avec nos problèmes quand même de, voilà, notre réchauffement climatique, notre crise, etc. Moi, j'entends, et c'est quelque chose de très récent, des couples qui disent qu'ils, enfin, des couples jeunes, ou des individus, hein, des hommes, des femmes qui disent, très tôt, à 20 ans, jamais j'aurai d'enfants dans ce monde-là. Donc ça, c'est un changement sociétal extrêmement important, dont il faut en tenir compte. Je vois des adolescentes, à 14, 15 ans, je leur pose la question, combien tu penses avoir d'enfants dans ta vie? Il y en a pas beaucoup qui me disent, oh ben, j'en sais rien du tout. Ça dépendra d'eux. Elles disent tout de suite, hein, j'en veux pas, j'en veux un, j'en veux deux, j'en veux trois. Donc, ça veut dire que le projet d'enfant, c'est quelque chose qui est là très tôt et qui est en lien aussi avec notre manière de vivre et la société dans laquelle on vit. Donc, peut-être que les choses vont un peu évoluer. Moi, j'entends aussi, voilà, l'histoire, on disait ça, 38, 40 ans, bon. Moi, j'entends des femmes de 30 ans qui ont des désirs de stérilisation. Hein. Alors, j'entends pas d'hommes parce que j'en vois très peu. mais voilà. Et ça, voilà, les médecins, certains médecins entendent ça aussi. Hein, et là aussi, un accompagnement, 4 mois de réflexion. Ah oui. 4 mois de réflexion. Après, c'est un peu notre, voilà, notre manière de faire. Il y a des, c'est les femmes qui prennent la décision seules. Mais bon, quand elles sont en couple, bien évidemment, le compagnon ouais. participe à ça aussi, hein, dans cette réflexion. J'ai vu des cas où. Où la femme n'en avait pas parlé à son conjoint, par exemple. Oui. J'ai eu des histoires avec des, au oui. moins un conjoint qui est venu me trouver en me disant, mais qu'est-ce que vous avez... j'étais concerné, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, oui. J'ai eu des ennuis. Mais la loi ne dit pas, quand vous êtes marié, faut la signature oui. de votre mari. Mais hein. c'était oui. avant la loi, en plus. Voilà, hein. Donc, c'est la liberté des femmes. J'étais pas très bien, quoi. Oui, oui, voilà. Après, voilà, c'est bien. Mais après, c'est pareil dans l'IVG. Hein, moi, oui. j'encourage toujours les femmes à en parler à leur conjoint, à demander à ce que le conjoint vienne. On ne voit jamais le conjoint. Hein. Bah moi, moi j'en vois parce que je le propose, je le dis. Enfin, oui. on n'est plus voilà dans les IVG médicamenteuses à domicile. Oui. J'aime bien pouvoir discuter en couple pour mieux accompagner, hein, et pour qu'on soit plus dans une forme de paix, hein. Donc voilà. Comme toute opération, la ligature des trompes et la vasectomie, est-ce qu'il y a des risques post-opératoires? Je sais que par exemple les femmes, l'ablation de l'utérus, il y a une prise de poids, la ménopause, etc. Est-ce que c'est pareil pour la ligature des trompes ou pas? Non. L'obstruction d'une trompe, c'est pareil, c'est de la tuyauterie, c'est une petite ligature. Il n'y a pas de résection, on n'enlève rien du tout, on touche pas aux ovaires, on touche pas à l'utérus, on n'enlève même pas la trompe, on ligature la trompe simplement. On interrompt la continuité d'un petit tuyau qui ramène l'ovule fécondé de l'ovaire, du pavillon de la trompe, de l'ampoule tubaire jusqu'à l'utérus. Hein, c'est de la mécanique. Le seul risque, c'est un risque lié à l'intervention du point de vue anesthésie générale, quoi. C'est, comme toute intervention. Voilà, comme toute intervention. Hein, c'est... Mais il doit y avoir une consultation pré-anesthésique qui évalue les risques, les antécédents de la patiente, qui peut demander des examens complémentaires et qui peut adapter l'anesthésie à ce type d'intervention. Hein. C'est à mon avis le seul risque. L'autre risque, c'est des risques psychologiques, de changement d'avis. De temps en temps, on voit... La preuve. Les changements d'avis. Mais ce qu'il faut, c'est prendre son temps, discuter, informer... rassurer les gens en leur disant que s'ils ne sont pas diminués d'une manière quelconque et qu'il faut rendre service quoi, si on a une demande de reperméabilisation, c'est qu'on a mal fait son travail ou qu'on a mal évalué la situation quoi, ce serait un échec quoi. À mon sens. Tout à l'heure, vous parliez de Simone Veil. Le 26 novembre 1974, Simone Veil prend la parole pour défendre la loi légalisant l'IVG. Inconnue du grand public, cette mère de 3 enfants âgée de 47 ans est ministre de la Santé depuis 6 mois. C'est le premier dossier qui lui a été confié par le président Valéry Giscard d'Estaing. Une urgence puisque chaque année, 300 000 femmes avortent clandestinement au risque d'être condamnées à 6 mois de prison. Et une femme par jour meurt. Donc je vous propose d'écouter une petite partie de son discours. A tout de suite sur Radio Guémozo. La parole est à Madame le ministre de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, une nouvelle loi est-elle vraiment nécessaire? Pour quelques-uns, les choses sont simples. Il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appliquer. D'autres se demandent pourquoi le Parlement devrait trancher maintenant ces problèmes. Et la plupart d'entre vous le sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins, et qu'on ne peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Nous voici de retour très vite sur vos ondes de Radio Gémozo. Donc, il y a aussi une autre femme dont je voulais brièvement vous parler. Il s'agit de Gisèle Halimi, qui était une avocate féministe, qui a aussi défendu les droits de l'avortement. Vous parliez tout à l'heure d'une jeune adolescente qui était enceinte et violée par un jeune homme. Donc, ça s'est passé il y a 51 ans, à l'automne 71. Marie-Claire Chevalier est violée par un garçon de son lycée. Elle tombe enceinte et fait le choix de mettre un terme à sa grossesse avant d'être dénoncée par son agresseur, arrêtée pour un vol de voiture. Et il n'y a absolument rien qui va dans ce fait. Alors, en octobre 72, l'adolescente est alors jugée pour avortement illégal. C'est en transformant un tragique fait divers en procès politique que l'avocate Gisèle Halimi pose les premiers jalons de légalisation de l'IVG. L'acquittement de Marie-Claire Chevalier fut les prémices de la loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Alors, j'ai trouvé une vidéo d'elle où elle répond à une femme qui est contre l'avortement. Je vous propose d'écouter bien attentivement tout ça et on se retrouvera juste après sur le 107. Vous voulez, je vais parler de l'avortement. Si vous voulez. Je vais m'adresser à l'avocat plutôt qu'à la femme. Je vous demanderai si cette loi est améliorée, c'est-à-dire si l'avortement devient libre pour toutes. Et si un jour vous vous trouvez en présence d'une femme qui vient de tuer son enfant de quelques jours, de quelques mois, et qu'est-ce que vous allez faire à cette femme alors que vous donnez l'absolution à celle qui aura tué son enfant dans son ventre? C'est ça, c'est une contradiction. Moi je trouve que, je m'excuse de le dire, mais il faut vraiment le répéter. Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force, pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris, et nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Et l'important, voyez-vous, madame, c'est que si moi, je suis libre de choisir mes maternités, vous, avec les conceptions que vous aurez et que j'ignore, mais que je crois deviner, quelles que soient vos convictions, philosophiques, religieuses, morales, vous aurez comme moi le droit de choisir. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est pourtant le débat qui a lieu aujourd'hui dans le pays, c'est pas autre chose. Une loi qui libéralise l'avortement, en deuxième lieu, car je tiens aussi à signaler que dans la proposition de loi que Choisir a élaborée en tant que travail, puisque Choisir est un mouvement, une association, un politique, n'a pas de député, mais cette proposition a été reprise par le Parti Socialiste, le titre numéro un, c'est la contraception et l'éducation sexuelle. Alors, je voudrais bien qu'aujourd'hui, on nous rende un peu justice, madame. Toutes celles et tous ceux qui, comme vous, se sont battus contre la contraception, contre l'éducation sexuelle, on peut dire que nous avons au moins remporté ce succès-là. L'éducation sexuelle, il me semble qu'on le met en place, peut-être pas très bien d'ailleurs, mais enfin ça vient. La contraception, je n'ai pas trouvé, moi, d'adversaire de la contraception, en tout cas aujourd'hui, on vous dit oui, la contraception, mais pas l'avortement. Mais soyons logiques, l'ultime recours, si un échec, il faut bien permettre à une femme d'avoir les enfants qu'elle désire. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce qu'elle me paraît aussi importante, encore que je le répète sans arrêt, c'est qu'il y a un abus de langage, une escroquerie, que je dois dire en tant que mère, je parle en tant que mère et que femme, et parce que vous séparez pour moi faire mère, femme, avocate, militante politique, tout ça c'est la même chose. Je ne suis pas tiroir. Je suis un être humain que je voudrais être à part entière et je voudrais que toutes les femmes le soient et je n'ai pas de cloisonnement. Donc ma bataille, c'est la même. Je n'ai pas changé. Alors, je trouve que vous n'avez pas le droit de dire que lorsqu'un spermatozoïde rencontre par hasard un ovule, il y a un enfant. C'est une escroquerie fondamentale. L'enfant, non. C'est la vie biologique, madame. Mais ce qui est certain, par exemple, et je vous pose la question, est-ce que les femmes, il va y en avoir d'ici au débat à l'Assemblée, il va y en avoir quelques 200 femmes qui vont mourir. Les statistiques sont là. Des femmes qui vont tenter de s'avorter clandestinement parce qu'elles préfèrent mourir que d'avoir des enfants qu'elles n'ont pas souhaité avoir, ça vous le savez, ces 200 femmes vont mourir. Alors si vous employez ce langage de de vie, par exemple. Est-ce que ces femmes ont bien une vie? Oui, ça se discute pas. Qui est criminel? Celui qui tue la vie. Alors qui, en l'espèce, qui tue ces 200 femmes, madame? En l'espèce, qui tue ces 200 femmes? Pourquoi dans l'œuf? Je vous donne quelque chose de plus concret. Je vous donne des femmes comme vous et moi, structurées, existantes, parlantes. Qu'il faut faire. Celles-ci, elles sont tuées par quoi? Par une loi qui est véritablement le Moyen-Âge pour la France. C'est le Moyen-Âge. Plus de la moitié du monde, plus de la moitié du monde pratique l'avortement libre. Et je vous assure que dans ces pays, et là vraiment on peut dire que c'est un, ça n'est pas du tout la conséquence d'un choix politique ou d'une économie, ça peut être la Chine ou les États-Unis ou l'URSS, mais je vous assure que dans ces pays-là, on n'a pas l'impression qu'on a une régression, on n'a pas l'impression qu'on revient au crématoire, on n'a pas l'impression non plus qu'on retourne à la barbarie. Au contraire, le niveau de vie s'élève et les femmes prennent de plus en plus conscience de ce qui est fondamental. Une femme doit commencer par avoir le pouvoir sur elle-même. C'est seulement quand j'ai le pouvoir sur moi que je sais que je peux affronter le reste et les autres. Si je sais que je peux être cassée dans un accident, un avortement, comme nous en avons eu toutes, je crois, peut-être pas vous, madame, mais les femmes qui m'écoutent savent que où elles ont avorté, où elles ont une sœur, ou une mère, ou dans la famille, ou une amie qu'elles ont secourue. Chacun sait que l'avortement est un drame quotidien. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Orange Radio et Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce débat entre ces deux femmes, tous les trois ? Par quel côté prendre les choses ? Oui, c'est deux mondes qui se rencontrent. Hein, c'est le monde, j'allais dire le monde d'avant, on a dit le Moyen-Âge, où la femme doit subir. Donc voilà, il y a la nature humaine, les femmes sont faites dans leur nature pour avoir des enfants, donc elles ont des enfants, point. Et puis, l'autre qui est déjà dans une réflexion sur, j'apprécie quand elle dit, il faut que je puisse avoir... Que mon corps m'appartienne, que je puisse être maître de moi-même, c'est déjà pas facile, avant de pouvoir rencontrer les autres et affronter le monde et la vie avec les autres. Faut déjà que je puisse avoir le pouvoir sur moi, le choix sur moi. Et c'est, voilà. Et donc, quand on commence à réfléchir, eh bien, effectivement, hein, on ne peut, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Si à chaque fois, quand on y pense, si à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, il y a une grossesse. Oh, c'est ce que je dis aux élèves quand je vais dans les collèges. Je leur dis, à partir de 12 ans, vous avez un rapport sexuel. S'il n'y a pas de protection, c'est une grossesse. Après, on dit pas, est-ce que t'es capable d'avoir un enfant, d'élever un enfant, d'assumer un enfant. Voilà. Notre nature humaine, c'est, dès la puberté, le corps des êtres humains sont faits pour procréer. Mais ça, c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire de cela. Il faut que notre avenir, nous puissions le réfléchir, le penser, faire des choix de couple, pouvoir s'intégrer à notre monde, notre société. Il faut que nos enfants puissent avoir une vraie place. Ça, c'était possible dans un monde où les enfants, même s'ils étaient vivants, ils n'avaient rien à dire. Voilà, ils poussaient à côté de leurs parents. On leur donnait une éducation religieuse. Finalement, ils suivaient la file. Et puis, Aujourd'hui, c'est plus ça. Avoir un enfant, il faut lui trouver une place dans le monde de demain. Et ça, c'est difficile. Donc, je peux comprendre que aujourd'hui, on veuille 1, 2, peut-être 3 enfants. Mais donc, il y a intérêt d'avoir une. Ça, c'est... voilà. Le maître mot, c'est la liberté de chacun. Le choix de chacun. Ouais. La liberté. Parce qu'on réfléchit, quoi. On peut pas se satisfaire de va comme je te pousse, on laisse. Ça, c'est pas possible, ça. Donc, il faut qu'on ait conscience de ce que l'on veut pour demain, pour nous, pour les enfants que nous avons. Ça me semble important. Tu aurais quelque chose à ajouter ou pas? Bah, je rejoins ce que vous venez de dire, hein, et puis Jean aussi, hein, l'important c'est quand même la liberté. Moi, dans cette confrontation, j'entendais beaucoup, après ce n'est que mon avis, mais cet aspect peut-être religieux qui nous a amené justement à ne pas avoir accès à la contraception et encore moins à l'IVG. C'était un peu ça, je pense, la culture de base qui nous, voilà, qui faisait de nous les femmes les porteuses d'enfants, enfin voilà, les mères, et voilà, si on tombait enceinte pendant un rapport sexuel, voilà, on gardait l'enfant parce que c'était comme ça qu'on nous avait appris de faire les choses. Aujourd'hui, le monde change, il devient quand même compliqué, faut être réaliste. On vit pas dans un monde quand même des plus faciles aujourd'hui. Et heureusement, on a avancé sur notre réflexion, notre mode de pensée, en nous posant la question, en tout cas, quand on peut le faire et quand on est face à ce choix-là, est-ce que je veux amener un enfant dans ce monde ? Quelle sera sa vie demain, c'est avoir un enfant, c'est pas juste le porter les premiers mois, c'est aussi une vie à part entière qui va se créer, et quelle sera cette vie-là qu'on va lui offrir. Donc voilà, on a quand même poussé cette réflexion suite à tous ces changements et suite au monde dans lequel on vit, et c'est beaucoup plus de réflexion qu'avant, j'ai l'impression, et heureusement. Oui. Je voudrais encore insister sur la contraception. On est là pour et ça. L'éducation, et l'éducation sexuelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer beaucoup plus tôt, en classe primaire, expliquer que la procréation peut être contrôlée par la contraception et que c'est, il vaut mieux choisir avant d'arriver à cet échec qu'est l'interruption de grossesse. C'est un échec quand même, parce que ça laisse quand même un vécu, des traces psychologiques chez la femme. Et chez l'homme. Oui, chez l'homme aussi, certainement. Oui. Et puis, je voudrais soulever aussi un problème, c'est les problèmes éthiques de l'opérateur. Hein, la loi française a gardé une liberté de conscience des médecins pour pratiquer ou ne pas pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. Et ça peut être quelquefois très lourd. Hein, parce que une activité difficile qui, avec le temps, peut amener une certaine lassitude et à se poser certaines questions éthiques. J'ai fait des interruptions médicales de grossesse, par exemple, pour des ostéogenèses imparfaites, hein, qui c'est la maladie des os de verre. Hein. C'est des gens qui sont extrêmement handicapés, qui sont nains, qui sont petits, qui se cassent sans arrêt des membres. Ou si vous lui serrez la main, vous lui cassez deux doigts, quoi, hein, celui qui a ça. Alors que Michel Petrucciani était un pianiste absolument génial, atteint de cette maladie, il est maintenant décédé, quoi. Donc, dans cette interruption médicale de grossesse pour anomalie grave du fœtus, l'opérateur se pose quand même la question. Il est entouré d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, mais de quel droit, quel est le droit qui me permet de décider qui doit vivre et ne pas vivre, quoi. C'est le choix de la famille, mais c'est quand même extrêmement lourd, et tout en pouvant être militant dans les premières années, on peut aussi quelquefois se lasser sur le sujet et pas avoir envie de manger quand on rentre à midi après avoir pratiqué trois ou quatre interruptions volontaires de grossesse. Oui, je peux comprendre. Il y a une souffrance, oui. Il y a une souffrance. Alors, très égoïste, hein. Je reconnais qu'elle est très, oui, égoïste en tant qu'ancien praticien. Après, je pense que alors les sages-femmes ne pratiquent pas des IVG depuis très très longtemps, mais la loi va nous autoriser maintenant à le faire de manière beaucoup plus large, et voilà. Donc les sages-femmes n'étaient pas confrontées à cela, mais dans la pratique, on ne faisait pas les IVG, mais on accompagnait quand même les femmes, puisqu'on travaillait avec les médecins, et donc on était confrontés à ça. Et moi, ce que je peux dire de ça, c'est que je pense que quand on est, alors la réflexion morale, voilà, morale, éthique, philosophique, hein, Voilà, et vraiment, c'est chaque personne hein, qui est concernée. Et puis, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions philosophiques et morales, éthiques. Et donc, voilà, respect. Après, ce qui me semble aussi important, c'est d'avoir cette notion que il y a une forme de militantisme dans ces actes-là. Moi, je le revendique complètement. Mais je pense que c'est aussi plus facile d'accompagner ces femmes ou ces couples quand soi-même, on a réglé déjà les problèmes de maternité. C'est-à-dire que, comme le dit Madame Halimi, on est femme militante, sage-femme, mère de famille, éducatrice, on est tout ça à la fois. Et quand dans notre vie, on a réglé soi-même nos perspectives de faire famille, comment faire famille, etc., qu'on a beaucoup réfléchi là-dessus, ça semble plus simple d'accompagner les femmes en IVG. Et voilà, quand on est jeune et qu'on est encore soi-même, voilà, je pense à une collègue qui est enceinte jusqu'au cou et qui accompagne un couple dans une démarche d'IVG, c'est difficile. Pour moi, c'est plus simple parce que tout ça, c'est derrière moi. Donc voilà. Mais je rejoins Jean sur le fait que ça nous bouscule dans nos vies aussi. Hein. Voilà, même si on est militant. Hein, et moi, je revendique ça, c'est important. Moi, j'ai connu hein, cette époque. Je suis un petit peu plus jeune que Jean, mais moi, j'ai connu cette époque des sages-femmes avec qui je travaillais, qui me disait, je me souviens d'une après-midi un peu tranquille, et alors moi, en tant que jeune professionnelle, je m'ennuyais un peu, puis ma vieille collègue qui me dit, oh mais non, mais apprécie, hein, parce que il y a quelques années, donc là, je vous parle des années 1980, donc la loi Veil était pas très très loin, et elle me dit, mais non, apprécie, parce que à l'époque, on était tout le temps dérangés avec ces IVG clandestines quand même. Donc voilà, moi mon militantisme il est né de ça, hein, de l'époque où mes maîtres sages-femmes me racontaient l'IVG clandestine, le drame que c'était. Donc bon voilà. Mais je reconnais que oui, philosophiquement, éthiquement, ça bouscule, oui, c'est vrai. Après, voilà. Par contre, l'éducation, c'est primordial. Moi, c'est voilà. Moi, j'aime beaucoup en parler avec les ados. Alors primaire, bon, voilà, moyen, parce que j'ai pas trop accès aux primaires. Mais voilà. Et puis, il faut éduquer aussi aux sentiments. Enfin, je veux dire, quand on aime quelqu'un, quand on vient, enfin, quand on expérimente le couple, même si les couples sont quelquefois très fugaces hein, ou éphémères, quand on expérimente ça, c'est important d'avoir le souci de la contraception pour la suite, quoi. Donc oui, l'éducation à vivre même des moments très éphémères, c'est important. Mm-hmm. Alors durant ce débat entre Gisèle Halimi et cette femme, elle qualifie presque l'IVG comme un meurtre. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Pourquoi elle pense ça? Parce que je pense qu'elle est... En fait, pour elle, dès que vous êtes enceinte, c'est forcément un enfant, alors qu'il y a le fœtus, il y a l'embryon, c'est pas forcément un enfant tout de suite. Vers quel moment, par exemple, l'enfant, entre guillemets, a un cerveau, tout ça, ça vient pas tout de suite, ça? Puis ça, c'est une question aussi éthique, en fait. Ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce qu'on va se placer du point de vue médical ou est-ce qu'on va se placer du point de vue... je sais pas trop comment exprimer ça, mais... religieux, philosophique, spirituel entre guillemets. À quel moment on peut accorder une vie à ces cellules qui s'assemblent pour un moment donné en faire un embryon, un fœtus? Est-ce qu'on peut distinguer un fœtus d'un embryon médicalement? Oui, mais est-ce qu'éthiquement on peut en faire la différence? Où ça se place cette limite? C'est très ambigu comme sujet, je pense. Alors les réponses un peu faciles, hein. En termes de loi, il n'y a pas d'existence de l'enfant tant qu'il n'est pas né. Mm-hmm. Hein. Alors on le voit bien en protection de l'enfance, hein. On peut pas appeler au secours un procureur de la République sur un enfant dans le ventre de sa mère. Il n'existe pas tant qu'il soit né pour dire cet enfant-là il est en danger. Hein. Donc voilà, au terme de la loi, c'est la naissance qui prend acte. D'ailleurs, l'interruption médicale de grossesse, c'est souvent précédé d'un geste féticide, d'une injection intracardiaque in utero pour que l'enfant ne vive pas. Et c'est tout à fait légal et autorisé. Alors que supprimer un enfant à la naissance est un meurtre. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Donc, fait, éthiquement, la limite entre les deux est très étroite, très tenue. Hein. Très tenue. Enfin, c'est pour ça que ces décisions-là dans les interruptions médicales de grossesse se prennent en collégial. Hein, en c'est équipe. Des équipes. Oui, voilà. Oui. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Après, c'est vrai que cette femme-là, parce qu'on est quand même dans les années 70, hein, la religion a une importance extrêmement forte, et donc en termes, enfin les religieux ont pris position par rapport à ça. Donc là, on entend, sans le nommer, on entend clairement un discours religieux. Mais si on va, voilà, après, il y avait aussi dans une, je ne sais plus à quel moment, on a parlé d'escroquerie. Hein. Alors voilà, de dire défendre la vie dès que les deux cellules, spermatozoïdes et ovules, se sont rencontrées, c'est un enfant. Alors je me permettrais de dire que c'est un peu une escroquerie, c'est un mot que j'ai pas tellement l'habitude d'utiliser. Parce que c'est pas tout à fait vrai. Et si on lit, alors là c'est la culture religieuse chrétienne et juive, hein, c'est notre culture judéo-chrétienne qui y parle. Dans les écrits de l'Ancien Testament, Dieu dit « Je t'ai aimé avant même que tu sois conçu ». Hein, donc on peut pas s'appuyer non plus sur les écritures pour dire il faut défendre la vie à tout prix, hein, avant même que tu sois conçu. Donc ça veut dire qu'on parle pas encore de spermatozoïdes, d'ovules. Voilà, donc c'est un autre message. Donc après, nous transformer ça en disant il faut défendre la vie à tout prix. Vous voyez, il y a quand même une distance. Hein, il y a quand même une distance. Donc voilà, beaucoup de pincettes, quoi. Je voudrais détendre un peu l'atmosphère. Oui, parce que c'est un peu lourd. Un peu lourd. Excusez-moi. Une histoire un petit peu marrante. Oui, voilà, c'est bien. C'est un moine bouddhique, un prêtre, un imam, un rabbin qui sont ensemble et qui se posent la question, quand est-ce que la vie commence réellement? Et le moine bouddhique, dès que les parents en ont l'idée, simplement l'idée des parents, la vie commence. Le prêtre dit non, c'est quand il y a une fusion du spermatozoïde et de l'ovule, l'embryon existe, la vie existe. L'imam dit, non, c'est à la naissance. Et puis le rabbin dit rien du tout. Alors les autres disent, mais Rabbi, dis-nous un petit peu. Rabbin se gratte la tête et puis dit, finalement pour nous, la vie commence quand le dernier enfant se marie. Excellent. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Oui, c'est une bonne chose. Elle n'est pas de moi. Là, ça fait du bien, un peu d'humour, ouais. Surtout dans une émission un peu particulière comme celle-là. Alors, tu es venu témoigner puisque tu as subi plusieurs IVG, et je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'en parler tout comme ça à l'antenne en plus. Donc, est-ce que ça a été pour toi une évidence de faire ce choix ou pas? Ça dépend à quel moment. Moi, j'ai 36 ans, j'ai 4 enfants. Mon premier enfant, je l'ai eu à 16 ans. Il était voulu. Je suis très heureuse d'avoir eu mon fils. Mon parcours de vie a été jonché d'expériences comme tous les parcours de vie qu'on peut rencontrer, riches et tumultueux à la fois. Et j'ai rencontré plusieurs problématiques. La contraception. J'ai pas trouvé de contraception qui m'est convenue. Donc ça a été un peu un échec et j'ai perdu confiance en ça. J'ai vraiment, je savais plus trop comment faire face à tout ça, et je me suis pas forcément posée à ce moment-là avec mon médecin pour en parler et pour aller plus loin là-dessus et essayer de chercher une solution. Donc je suis tombée enceinte, j'étais en couple, j'avais déjà deux enfants, j'ai déjà trois enfants, pardon, et mon mari, en fait, mon mari m'a expressément dit que si je gardais cet enfant, il me quitterait. Donc je me suis retrouvée dans une situation compliquée où finalement j'avais pas forcément de choix. D'un point de vue global, celui de ma famille, sans parler de mon propre choix à moi, c'était déjà un peu... Enfin, ça me paraissait compliqué de garder un enfant tout en faisant exploser ma famille, entre guillemets. Donc vraiment très très à contre-cœur, j'ai eu accès à cette IVG qui a été vraiment compliquée pour moi parce que c'était pas dans l'éducation que j'avais reçue. Moi, j'ai grandi dans une famille un peu religieuse, donc ça c'était quand même assez tabou. D'ailleurs, j'ai pas été très accompagnée par mes proches parce que eux ils comprenaient pas ce choix, encore moins le choix de mon mari de m'imposer ça. Et finalement, je m'en suis remise et ça s'est plutôt bien passé et j'ai continué ma vie, j'ai eu un enfant ensuite et j'avais très peur aussi des séquelles, enfin voilà, de plus pouvoir avoir d'enfants parce que j'étais jeune, j'ai eu commencé à avoir mes enfants très jeune, donc là à ce moment-là, j'étais encore jeune, j'avais que 21 ans. Donc 22 ans peut-être et j'avais déjà 3 enfants, donc ça paraît déjà énorme quand je le dis comme ça, mais moi à la base je voulais 6 enfants quand j'étais ado, donc je m'en rendais pas très bien compte du monde dans lequel j'allais vivre, mais voilà, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants, enfin bref, ça c'est personnel. Et puis plus tard, donc j'ai eu un enfant encore ensuite, donc j'ai eu mes 4 enfants, je me suis séparée de mon mari, voilà, pour X raisons. Et j'ai rencontré un autre homme dont je suis tombée enceinte. Et là, j'ai eu un autre cas, celui de l'œuf clair. Donc il n'y avait pas d'embryon dans cet œuf-là. Donc on appelle quand même ça un IVG. Enfin en tout cas moi on me l'a dit comme ça. Voilà, c'est une fausse couche provoquée. Il n'y a pas de grossesse évolutive possible. Voilà. Pour se déculpabiliser sur le sujet. Oui. Bon, c'était compliqué parce que c'est un choc. On apprend la nouvelle, on l'assimile et puis on va faire l'examen. Et là, non, il y a rien. Donc il faut avoir recours encore à un geste médical. Donc ça, c'était au bloc opératoire ces 2 fois-là. Et puis j'ai continué ma vie. Je suis à nouveau tombée enceinte. J'ai une vie tumultueuse. Hein. Je suis tombée enceinte une nouvelle fois d'un homme avec qui je voulais avoir un enfant. Et en fait, il a changé d'avis. Il était mentalement très perturbé. Et là, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je vais assumer d'avoir un enfant seul, un 5e enfant, d'un homme sur qui je pourrais jamais compter. Ça a commencé à être assez lourd. Donc j'ai eu encore recours à un IVG. Là, j'ai été très bien accompagnée. Je me suis rendue à l'hôpital comme ça d'un moment à un autre parce que on avait commencé les démarches, hein. J'avais fait ma première échographie, on était dans une démarche positive pour accueillir cette grossesse et lui en fait, pour être clair, il a fait une tentative de suicide, donc là ça me paraissait très compliqué de pouvoir aller au bout de cette grossesse en toute sérénité. Et là, je commençais, c'était il y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 3 ans. Donc là, je commençais vraiment à... Parce que on évolue quand même en tant qu'humain, en tant que femme, en tant qu'être vivant sur la Terre. Et là, je commence à voir vraiment un petit peu plus de sagesse et de vision sur le monde. Ça me paraissait quand même très compliqué d'accueillir cet enfant en toute sérénité. Donc... déclic, je me dis non, là c'est pas possible, je vais me rendre à l'hôpital. Donc c'était à Remiremont, on m'a tout de suite accueilli, on m'a tout de suite donné, on m'a tout de suite écouté, accompagné dans cette démarche, et ça a été un grand soulagement pour moi. Donc il y a eu vraiment plusieurs étapes dans mon parcours, celui de l'échec de la contraception et de mon mari qui ne veut pas de cette grossesse, celui du médical, physiologiquement pas de grossesse, donc j'ai recours à ça, et psychologiquement où là je me pose vraiment une question sur ma vie, mais c'est pas facile aussi en tant que femme de dire, parce qu'on doit remplir une fiche, alors est-ce que vous avez déjà eu recours à l'IVG? Et là, le regard, c'est compliqué, hein, quand on a déjà eu recours plusieurs fois à l'IVG, mais vraiment, on revient à la contraception. Qu'est-ce qui se passe avec votre contraception? Il y a quelque chose qui fonctionne pas quand on a déjà eu recours plusieurs fois à l'IVG. Attention, l'IVG, c'est pas une contraception, hein. C'est quand même, on doit pas attendre d'en arriver là pour trouver un équilibre, trouver vraiment un bon méthode de contraception qui nous convienne. C'est quand même quelque chose, une expérience de vie qu'il faut surmonter. Voilà. Alors nous parlerons des différentes façons de faire une IVG dans quelques minutes, mais je voudrais te poser encore quelques questions avant. Est-ce qu'un avortement, c'est douloureux ? Alors je ne sais pas si je peux répondre de façon générale, je vais répondre de mon point de vue à moi, je ne sais pas les autres femmes, pour les autres femmes comment ça se passe. Moi j'ai eu recours au bloc opératoire, donc aspiration, voilà, on appelle ça comme ça, enfin moi, en tout cas avec mes mots, et médicamenteux, donc médicamenteux, oui. Moi j'ai eu des douleurs parce que ça provoque des contractions, et après on évacue l'œuf et moi je l'ai vécu chez moi, donc on m'a donné le premier comprimé à l'hôpital et on m'a laissé le choix, est-ce que je veux venir à l'hôpital pour prendre le deuxième comprimé, est-ce que je veux le faire chez moi. Moi je me sentais plus à l'aise, je l'ai fait dans ma famille, dans mon cocon, avec des personnes qui m'ont accompagnée, mais moi oui j'ai eu mal. Quand tu vas au bloc opératoire, tu es sous anesthésie, donc j'ai pas eu de douleur, mais sous médicaments, oui. Et puis il y a tout l'aspect psychologique quand même derrière, qui peut-être n'aide pas forcément sur ces douleurs-là. Alors nous allons faire une autre pause musicale avant de parler des différentes options pour mettre fin à une grossesse. À tout de suite sur Radio Gamozo. Mon chéri, c'est moi, j'aimerais te parler. Je serai toujours là pour toi, est-ce que tu le sais? Je veux te dire que je t'aime, que tu es un rêve. Et te voir grandir, c'est un privilège. Tu es mon fils, mon sang, la chair de ma chair. Si tes jours sont obscurs, je serai ta lumière. Aujourd'hui, tu es grand, tu t'en vas voir le monde. Tu sauras voir ce qu'il a de plus beau, mettre de côté ce qu'il a d'immonde. Je suis vide sans toi, j'ai peur de dire adieu, je t'imagine près de moi. Et là je me sens mieux, j'en fais peut-être trop, c'est normal. Je suis une maman, une qui a juste peur de voir partir son enfant. Des efforts pour toi, je n'en ferai jamais assez. J'ai l'impression que parfois, je n'ai pas su te porter. Pourtant, je te le promets, j'ai tant de fois essayé. Pourtant, je te le promets, j'ai tant de fois essayé. Tu quittes notre maison, et j'avoue que ça me fait peur. Loin des yeux peut-être, mais jamais loin du cœur. Tu étais le roi du monde que je t'avais bâti. Je ne peux pas croire que tout cela soit maintenant fini. Comme l'impression que ça n'a jamais commencé, moi qui croyais que de toi je ne pouvais pas me détacher. Plus de balades au bord du lac, d'après-midi passer au parc, à te voir sauter dans les flaques ou t'emmener manger au snack, t'apprendre à cuisiner, te regarder, t'amuser, le soir te câliner, puis prendre le temps de te bercer. Pourquoi fallait-il que tu partes, à peine arrive et tu m'échappes. Mon fils, reste avec moi, s'il te plaît, ne me quitte pas. Où est-ce que tu comptes aller? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Était-ce ta destinée? Comment aurais-je pu te garder? Ne trouves-tu pas que c'est tôt pour me faire tes adieux? Ou alors est-ce que tu m'en veux? Maintenant je vois, c'est moi qui ai fauté. Pourquoi resterais-tu dans une telle pauvreté? Je n'ai pas su retenir ton père. Impossible de te rendre fier. C'est sûr tu aurais souffert. Je n'ai pas l'étoffe d'une mère. J'aurais tellement aimé que tu écoutes toutes mes paroles. Je sens maintenant mon chagrin qui dans mon corps foisonne. Mon fils, je te regarde mais doucement tu disparais. Alors je m'accroche à toi et au rêve que tu étais. Car oui, tu n'es pas né et je ne te verrai jamais. Mon fils ne m'en veut pas mais je vais devoir t'avorter. Nous sommes une nouvelle fois, peut-être même une dernière, sur les ondes de Radio Gamozo. Jean et Catherine, est-ce qu'il existe un délai pour mettre fin à une grossesse? Oui, c'est-à-dire que les délais ont été modifiés dans ces dernières années. C'est 14 semaines d'aménorrhée, hein. C'est-à-dire que pour l'interruption, oui, 16 semaines d'aménorrhée, 14 semaines de grossesse. Je fais un lapsus. Il faut dire que je suis un médecin retraité depuis quelques années. Et pour l'IVG médicamenteuse, c'est 9 semaines d'aménorrhée. Hein, voilà. ces délais ont été augmentés. La loi Veil était relativement restrictive sur le sujet au c'était départ. 8 semaines. C'était 8 ou 10, il me semble que j'avais lu 10, 8. Moi. 8, 10, oui. Pour pouvoir réussir à faire passer cette loi, Simone Veil avait dû faire, entre guillemets, des concessions sur le sujet. D'ailleurs, l'IVG n'était pas remboursée. Elle n'était pas accessible aux mineurs sans autorisation parentale, oui. Je crois. Et puis, et délai de réflexion. Oui, et délai de réflexion. Oui, entretien psychologique obligatoire. Il y a pas mal de restrictions. Mais ça, on me l'a fait subir il y a quelques années, lors de mon deuxième IVG. Et en fait, j'ai un syndrome. Quand je suis enceinte, je suis malade. Vraiment, je vomis du début jusqu'à la fin. C'est une torture. Donc, en plus de devoir rester dans cet état-là et de pas vouloir continuer ma grossesse, la gynécologue que j'ai été voir ne m'a pas donné accès à cette IVG immédiatement et m'a fait attendre une semaine de plus dans mon état psychologique et physique déplorable. J'ai beaucoup souffert de ça. Oui. Ça a été supprimé, le délai de réflexion. Il y a combien de temps? Ouf, il y a déjà... Oui, c'est... Enfin, c'est récent. Hein, c'est récent. Mais je pourrais même pas dire peut-être un an. Ah oui, d'accord. Ouais. J'allais dire tous les ans, ça change, hein, au niveau de la législation. Donc, voilà. Puis merci Covid, hein, parce que le Covid a beaucoup modifié les décrets. Voilà, c'est la téléconsultation. La priorité, si vous voulez, par rapport à. C'est qu'aujourd'hui, on se met à disposition des femmes. Ça veut dire que c'est la femme qui choisit, c'est la femme, c'est la femme qui décide, et tout doit être fait pour faciliter le parcours de combattant. Là, voilà. Donc, c'est la femme qui choisit la méthode, c'est la femme qui choisit comment prendre ses médicaments. Aujourd'hui, on peut faire tout en téléconsultation. Normalement, il y a un rendez-vous. De contrôle post-IVG médicamenteux, eh ben finalement avant il y a pas très très longtemps, hein, on harcelait les femmes en disant il faut que vous fassiez absolument votre échographie, votre contrôle et machin. Aujourd'hui, si une femme ne veut pas, ne souhaite pas, ne fait pas, on laisse faire. C'est-à-dire qu'on arrête de culpabiliser les femmes quand elles veulent pas faire le cursus qu'on lui propose. Donc voilà, on donne une grande liberté de choix aux femmes. Et voilà, moi, j'entendais par exemple le contrôle post-IVG, c'est de vérifier qu'elle saigne pas, qu'il n'y a pas de complications, etc. Vérifier qu'il n'y a pas eu d'échec, que la grossesse n'évolue pas. C'est surtout ça qui est important de faire. Voilà. Je crois que... Eh ben, aujourd'hui, ça peut se faire par téléphone. Elles font leur test de grossesse urinaire chez elles. Elle nous envoie la photo pour prouver. Alors, il y a des femmes, elles font ça quand elles font leurs courses au supermarché. Elles ont la sage-femme qui l'appelle au téléphone. Alors, on en est tout. Et puis, voilà, j'ai eu de l'expérience là. Les femmes vivent comme ça. Il y a certaines femmes, c'est comme ça. Il y en a d'autres, elles reviennent voir débriefer en vrai, entre quatre yeux. Voilà. C'est les femmes qui doivent choisir leur parcours. Voilà. Bon, l'IVG médicamenteuse se fait en deux phases, hein, quand même. C'est l'administration de mifepristone, c'est un produit qui inhibe la progestérone, qui est l'hormone de la grossesse. Donc la grossesse étant privée d'hormones de progestérone, elle a tendance à ne plus évoluer, quoi, en fait. Hein. Et puis dans un deuxième temps, 36 heures après, c'est l'administration de prostaglandines, qui sont des substances qui donnent des contractions utérines. Et sous l'effet des contractions utérines, on a une ouverture du col utérin, un mini accouchement. Voilà. Hein, c'est... L'évacuation de la grossesse. Voilà. Et puis, que le terme est mal très, très, très important. Aujourd'hui, on fait des gros efforts aussi sur la prise en charge de la douleur. Et on n'hésite pas à utiliser des produits. On prend pas que du paracétamol. Du spasfon. C'est terminé cette époque-là. Donc, on donne des produits codéinés pour vraiment tenir compte de la douleur des femmes. Et c'est elle qui gère. Elle a sa boîte de comprimés. C'est elle qui gère sa prise de médicaments. Et quelquefois, Voilà, moi je les préviens toujours, hein, oui, ça risque de faire mal, ça fait pas forcément mal tout de suite, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures après. Donc on prend aussi les anciennes méthodes, la bouillotte sur le ventre, être tranquille au fond de son lit, entourer le, voilà, faire ça chez soi, c'est vrai quand on est entouré, alors soit c'est le compagnon, soit c'est une très bonne copine, et ça aussi ça aide à ce que la douleur ne soit pas envahissante. Mmh. Et voilà, cet accompagnement là il est très important. Et souvent, les femmes, elles me disent, après, elles me disent « Ah, vous m'aviez dit que ça faisait très, très mal, mais finalement, non, c'est comme des douleurs de règles. Voilà. » Et voilà, donc, accompagner dans la douleur, c'est important de prévenir, de déculpabiliser aussi. Hein. On prend des médicaments parce qu'il est hors de question d'avoir mal. Hein, voilà. On a... Et d'entendre ça, je pense que ça fait du bien. Hein, voilà. Oui, on ne doit pas subir la douleur non. En plus de ce choix. Ah non, c'est assez dur choix. Comme ça. Voilà, ouais. C'est assez dur comme ça. Voilà, c'est ça. Donc la prise en charge de la douleur, c'est très important. Donc l'IVG chirurgical consiste à, sous anesthésie générale, par exemple pour des grossesses relativement avancées, à dilater le col avec des petits mandrins métalliques de taille croissance pour obtenir une dilatation suffisante qui permette d'aspirer le contenu de l'utérus sous anesthésie générale. C'est... Voilà. Et dans ces IVG tardives, il y a une préparation médicamenteuse avant. Mmh. Hein, on prend les médicaments et ensuite on passe au bloc. Et il peut être licite, de, même dans certains cas tardifs, de poser des péridurales, hein, en milieu hospitalier, quoi. Surtout bon, pour les interruptions médicales de grossesse, mais une interruption tardive de grossesse volontaire peut nécessiter une antalgie particulière. Voilà, c'est pour ça que au niveau informatif, c'est bien votre émission aussi, parce que c'est important que les femmes soient informées que dès qu'elles ont un doute, il faut qu'elles aillent consulter. Plus on consulte tôt, mieux c'est, plus on fait l'IVG tôt, mieux voilà. C'est parce que aujourd'hui on fait des IVG médicamenteuses quand même jusqu'à 9 semaines à domicile, voilà. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait plus d'IVG instrumental à 14 du tout. 14 semaines, quoi. C'est, voilà. C'est qu'on fasse que celle de 14 semaines en instrumental et tous les autres passeraient en IVG médicamenteuse. Donc dédramatiser, favoriser les circuits, hein, parce que les IVG se font donc dans les centres hospitaliers, ça se fait dans les centres de santé sexuelle, donc nous on a des mineurs, hein, qui viennent pour les IVG dans ces centres de santé, et puis ça se fait aussi chez des sages-femmes libérales, et quelquefois des médecins libéraux, mais finalement il y en a assez peu, parce que ce personnel-là a des conventions avec les centres hospitaliers de référence. Donc il y a une formation particulière, hein, comme une espèce d'accréditation, une convention qui est signée avec les établissements. Et donc favoriser cet accès auprès des sages-femmes libérales, ça devrait faciliter... les prises de rendez-vous pour les IVG, qu'on ne se retrouve pas avec des IVG tardives à faire à Nancy, quoi. Ça, c'est important de le dire, parce que moi, quand j'ai su que j'étais enceinte et que j'ai appelé le centre hospitalier qui s'occupait de moi, enfin la clinique, on m'a dit « Vous avez rendez-vous dans 3 semaines, de toute façon, on vous donnera pas de rendez-vous avant. » Ouais. Alors oui, non. Ça c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. Psychologiquement, humainement... c'est impossible. Non. Et heureusement que l'hôpital de Remiremont j'avais perdu confiance. Mmh. Heureusement que l'hôpital de Remiremont m'a tout de suite accueilli. Alors, je sais pas, je suis peut-être tombée au bon moment, mais en tout cas, j'ai tout de suite vu un médecin qui m'a tout de suite pris en charge, qui m'a fait faire les examens, qui m'a accompagnée dans cette démarche-là auquel j'ai eu accès tout de suite. Mais j'ai trouvé ça inadmissible. Après, je sais pas sous quel prétexte, sûrement trop de demandes, etc. Mais j'aurais su qu'on pouvait se tourner vers une sage-femme libérale parce que je l'ai su après. Bah, ça m'aurait peut-être... parce que ça a été vraiment la panique énorme. Alors, nous essayons... Ouais. Alors, au niveau Lorraine, hein, notre réseau périnatal lorrain nous donne un petit peu une ligne de conduite que nous tâchons de respecter. Et aujourd'hui, alors moi je vais parler des Vosges, hein, parce que voilà, je connais bien les Vosges. Toute femme qui consulte pour, enfin qui demande un rendez-vous pour une interruption volontaire de grossesse a un rendez-vous dans les 5 jours, oui, dans maximum. Dans la semaine, oui. Voilà, maximum. Et oui. C'est relativement bien, bien maîtrisé, bien voilà. Donc c'est bien, je veux dire, certainement dans les grandes villes, c'est pas forcément 5 jours. Donc voilà, peut-être que cette clinique n'avait pas. Voilà, n'était pas dans le réseau périnatal lorrain. Ouais. Bon, c'était dans les Vosges. C'est une bonne pratique de voir les gens vite. Vite. Dans la semaine où ils appellent, il faut qu'ils soient vus dans la semaine. Ouais. Parce qu'on pense quand même à l'évolution. Enfin, oui. 3 semaines, c'est énorme. Ah oui, non, c'est pas quel est le délai? Moi, j'avais des règles très irrégulières, donc aucun. Enfin, je pouvais pas moi-même savoir où j'en étais par rapport à ça, parce que on peut tomber enceinte. À n'importe quel moment du cycle, j'en suis, je fais partie. Je pouvais pas compter à quel moment j'aurais pu tomber enceinte ou non, puisque c'était complètement irrégulier pour moi. Donc, je fais un test de grossesse, je vois qu'il est positif, donc j'imagine déjà que ça fait au moins 15 jours. On me demande minimum, on me demande d'attendre 3 semaines de plus. Ça, c'est pas possible psychologiquement pour une femme, enfin pour n'importe qui, même pour une femme. Plus c'est précoce, plus c'est, je dirais, mécaniquement et médicalement facile d'interrompre une grossesse, et plus c'est tardif, plus c'est difficile aussi psychologiquement pour la patiente. Hein, je crois que les deux points de vue, faut faire des IVG précoces faciles plutôt que tardives, qui laissent des traces psychologiques et qui laissent une détresse s'installer pendant. Donc n'hésitez pas à consulter, à aller chercher. Un rendez-vous ailleurs, si un jour c'est peut-être votre cas, en espérant que ça arrive plus, ce genre de choses, mais en tout cas ne pas se laisser persuader que c'est pas possible de consulter avant, se tourner vers une sage-femme libérale ou un autre centre hospitalier. Oui, et puis on a droit d'aller consulter en disant voilà, j'ai un doute sur une grossesse. Voilà, j'ai un doute, dire je ne sais pas ce que je vais faire de cette grossesse. Enfin, je veux dire, prendre un rendez-vous veut pas dire avoir déjà la décision de prise, hein, parce que quelquefois c'est ça aussi, hein. La femme, elle prend pas son rendez-vous tout de suite parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire. C'est ça, oui. Mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de prendre le rendez-vous, dater la grossesse, et puis commencer un petit peu à discuter. Voilà. Après, les choses, on pousse pas les. Voilà. C'est les femmes. Là encore, c'est encore les femmes qui décident. C'est pas obligatoire de dire dès la première consultation ce qu'elle va faire de cette grossesse. Mais d'être pris en charge, quoi. C'est important. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai aussi, hein, toutes les femmes n'ont pas la même fertilité, hein, et des femmes qui sont enceintes voilà, à chaque rapport, puis il y en a d'autres, bah elles veulent faire un bébé et puis elles vont mettre 6 mois, 1 an, voilà. On n'est pas toutes égales, hein, voilà, il n'y a pas de justice, hein, dans cette histoire, hein. Donc voilà, donc faut être un petit peu tolérante avec soi-même et puis accepter l'idée d'aller consulter parce qu'on ne sait pas si on est enceinte ou pas. Alors une IVG, c'est une démarche personnelle, mais est-ce que le fait de ne pas en parler à notre entourage ou une personne extérieure, ça peut être, selon vous, destructeur pour une femme qui s'est fait avorter ou pas, sur le plan psychologique? C'est subjectif, ça, chacun. Chacun sa vie, et je pense que c'est, oui, c'est chacun le libre choix. Ça peut être quelque chose de vécu dans son intimité de sa propre personne. C'est pas forcément. Après, c'est important d'en parler. Je pense pour être vraiment accompagné et bercé dans la bienveillance. Mais encore une fois, ça dépend de. C'est un choix. Bah, de l'entourage aussi. Hein, de l'entourage. Ouais. Après, se tourner vers une personne extérieure, ça peut aussi parfois être compliqué. Mais je pense que ne pas rester dans ce tabou, dans cette souffrance et dans cet aspect pesant des choses, c'est quand même important pour vivre au mieux le choix qu'on se donne. Mais c'est complètement subjectif pour chacun. En tout cas, c'est mon avis. Après, je pense que c'est bien quand on a un compagnon avec qui on partage ça. Moi, je pense que c'est important. Voilà. Des fois, c'est un peu l'heure de vérité, quoi, hein, parce qu'il y a des couples qui s'entendent super bien, puis pof, il y a une histoire comme ça, et là, le couple éclate, hein. C'est un peu votre expérience, mais ça, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tout allait bien jusqu'à cet orage-là. Donc c'est bien quand on a un compagnon, parce que c'est l'épreuve de vérité aussi. Hein. Et si on le tait à son compagnon et qu'on fait un parcours toute seule, bah, quand même, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi. Après, le dire au reste de l'entourage, là, c'est vraiment le parcours de chacun. Vous savez, je compare ça un peu autrefois. Alors, je dirais autrefois, ouais, c'est vrai. Hein. Autrefois, on disait, par exemple, sur le sida, hein, quand on est porteur du virus, on disait, faut surtout pas le dire pour continuer à pouvoir travailler, avoir une vie sociale et tout ça. Notre état d'esprit a changé aujourd'hui. J'espère que pour l'IVG, notre état d'esprit a changé aujourd'hui. Et si une femme dit... j'ai pratiqué une IVG, qu'on puisse lui répondre, oui, c'est ton choix, c'est ta vie, et qu'on ne juge pas la personne négativement sous prétexte que... Vous aurez quelque chose à ajouter, Jean, ou pas ? Non, tout à fait d'accord. En fait, je voulais faire cette émission parce que je trouve que l'IVG, on n'est pas assez informé, et c'est encore un sujet tabou, on est en 2022... Il est temps que les choses soient mises à plat et il faut arrêter de juger les gens sans savoir leur histoire, voilà. On peut pas juger sans savoir. Un peu de bienveillance, de solidarité, fraternité, sororité, peu importe comment on appellera ça, mais d'amour entre des humains peuplant une terre et avec leur propre libre arbitre, leur propre expérience de vie. Voilà, on n'est pas dans la peau de l'autre, on ne vit pas ses expériences, donc restons chacun à notre place, apportons un peu de bienveillance, beaucoup de bienveillance aux autres, ça sera juste parfait, pas besoin de donner son avis forcément, exactement. Juste écouter et accueillir les choses sans forcément répondre, hein. Une oreille ça fait du bien. Mmh. Savoir écouter. C'est pas forcément facile pour certains, parce qu'il y en a, ils sont tellement dans leur jugement qu'ils sont pas assez ouverts d'esprit et ils restent dans leurs idées et voilà, quoi. Oui, parce qu'on peut avoir des opinions sur les autres, hein, puis après, quand ça vous arrive à vous, tout d'un coup, vous changez de cap. Donc, tant qu'on n'est pas, on peut avoir des idées comme ça, mais après, dans nos vies, dans notre réalité de notre quotidien, il vaut mieux souhaiter plutôt de la solidarité, de l'écoute entre nous et de la bienveillance, plutôt que d'être tout le temps négativement dans le jugement, quoi. Donc, c'est une société qui permet l'IVG, mais je pense que c'est une société qui est bienveillante avec les gens. Les hommes et les femmes, hein, parce que c'est vraiment tous les deux. Hein. Est-ce que vous pensez que certaines personnes qui sont contre l'avortement, c'est parce qu'elles sont mal informées de ce que c'est l'IVG ? Je pense pas. Moi, c'est plus pour des convictions religieuses, politiques, éthiques, au sens large en général. Mais je pense qu'on n'a pas... Je crois que le maître mot, c'est quand même la liberté. Hein. On peut ne pas être forcément pro-IVG, mais respecter ceux qui souhaitent en avoir. Il faut respecter et ne pas les juger. Je crois que c'est un problème de liberté individuelle. La société l'autorise. Je crois qu'on n'a pas à émettre de jugement ni de... Mais je crois qu'on a été largement conditionnés par une éducation et un milieu religieux. Ça fait quand même quelques millénaires que nous sommes sous l'emprise de religion qui guide nos vies. Il faut dire que jusque très récemment, la science ayant peu progressé, sauf dans ces derniers siècles, quand les gens se posaient des questions philosophiques, scientifiques, ils posaient la question au curé du village, qui avait toujours une réponse, quoi. Maintenant, la science fait que on peut y répondre par des arguments plus objectifs et que il n'y a plus une mainmise de la part des différentes religions, quoi. Hein, et on sort un petit peu de cette emprise-là, c'est pas forcément mal. Ces religions n'ayant pas forcément elles-mêmes montré l'exemple. Ouais. Voilà. C'est mon sentiment personnel. Oui, peut-être que c'est parce qu'on On ne pense pas assez nos trajectoires de vie. Hein. Et quand on regarde l'histoire, le passé, et comment nous, notre société, c'est sûr que la science bouscule aussi, bouscule un petit peu les lignes. Hein. Mais bah alors regardons un peu en arrière comment nos ancêtres ont vécu, comment ils pouvaient être accueillants sur la manière dont ils vivaient, quoi. Et on a aujourd'hui des questions qu'eux ne pouvaient pas avoir. Hein. On a la capacité de faire des enfants, la mortalité infantile a beaucoup diminué. Donc forcément, nos problématiques d'aujourd'hui sont des problématiques nouvelles par rapport à des siècles. Voilà. Quand on vous dit à la préhistoire, les femmes, elles avaient éventuellement maxi 3 enfants, c'est pas beaucoup. Parce que leur environnement ne leur permettait pas d'en avoir plus. Puis l'espérance de vie était très courte. C'était courte aussi, mais... Bon, voilà. Donc, se dire que les petites familles, c'est plus facile, pourquoi pas, c'est pas nouveau, hein, puisque dans l'histoire, à une certaine époque, c'était ça, la norme. Ouais. Donc, il faut qu'on réfléchisse un peu à ce qu'on peut faire et au vrai choix de vie qu'on peut avoir, la chance qu'on a de faire des vrais choix de vie. Contraception, sortir de la culture de la culpabilisation. Voilà, c'est ça. La culpabilisation. Ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà, oui. C'est ça que je veux dire. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je me posais une question sur la contraception. Est-ce qu'on peut aller voir une sage-femme pour parler bien contraception sûr. Ou faut bien absolument sûr. Aller voir une sage-femme. Oui. Une sage-femme. Une sage-femme. Oui. Elles ont de plus en plus de prérogatives. On dit officiellement tout ce qu'elles savaient faire. Avant, elles savaient faire, mais on n'avait pas le droit de le faire en notre propre nom. Mm. Et aujourd'hui, c'est reconnu. Donc, contraception, les sages-femmes maîtrisent très bien les contraceptions, toutes les contraceptions. Donc, voilà, c'est un accès certainement plus facile parce qu'il y a plus de proximité. Et voilà, puis on a de toute façon les gynécologues, c'est une profession en voie de disparition, donc ah bon, oui. Là, c'est parce qu'on en a pu former, quoi, hein, comme beaucoup former. De spécialités médicales. Mmh. Oui, la pédiatrie, c'est pareil, la pédiatrie, la pédopsychiatrie par exemple, voilà, c'est une spécialité sinistrée, je crois qu'il restait un pédopsychiatre à Metz, je crois. Ouais, c'est ça. Surtout le Grand Est. Donc voilà. Donc les sages-femmes libérales ont pris une part importante dans le suivi de prévention des femmes. Hein. Donc c'est le suivi gynéco de toute la vie des femmes. Donc dedans il y a aussi la contraception. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous pour que l'avortement ne soit plus un sujet tabou? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a déjà tout dit. Mais tabou... Plus de prévention, peut-être. Toujours et encore plus de prévention. Même auprès des scolaires. Je pense que ça va être très difficile. On le dit, hein, c'est très difficile de baisser le nombre d'IVG parce que c'est pas toujours un échec en tant que tel. Hein. Si une femme a une très forte fertilité, on a dit, hein, la contraception, il n'y en a pas non plus, il n'y a pas un choix. Voilà. Donc on a vite fait le tour. Donc pour les femmes très fertiles, ce problème-là existera encore longtemps et elles seront confrontées aux IVG. Ça ne peut pas être autrement. Et puis il y a des femmes qui pensaient, alors vous voyez, il y a des femmes qui pensaient qu'elles pourraient plus avoir d'enfants et puis pof, voilà. Des femmes, alors on dit, dans notre jargon, on dit des femmes qui ne se perçoivent pas sexuellement actives. Ça, c'est typiquement les ados, par exemple. Hein. Mm. Elles sont en capacité d'être enceintes, nos ados, si elles ont des rapports. Mais dans leur tête, quand on leur demande, est-ce que elles disent, non, j'ai pas de copain, j'ai pas de vie de couple, voilà. Donc, elles se disent pas forcément sexuellement actives, elles prévoient pas, puis pof, quand ça arrive, grossesse. Il suffit qu'elle soit très fertile une fois. Donc, donc ce sera très, très difficile de faire zéro IVG en France par une information. Et actuellement, ça me paraît complètement utopique. on reste à des taux absolument stables. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas forcément tout le temps un échec, quoi. Des fois, c'est les aléas de la vie, point, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Ouais, hein, ouais. Voilà, ne rêvons pas, quoi. Une société où il y a zéro IVG, ça n'existe pas. Ou alors, c'est une société où les femmes, elles ont une ribambelle de mouflet. Voilà, même avec une contraception. Voilà. Bah de toute façon, avec n'importe quel moyen de contraception, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y en a aucun qui est fiable à 100%. Donc déjà là, à partir de là, c'est compliqué. Si, il y a l'implant qui est à 100%. C'est le seul. Bon, enfin, il faut le supporter. Ouais. Là. Des stériles hormonaux qui ont d'excellentes... Voilà, voilà. Des stériles hormonaux qui... Le taux d'échec est de l'ordre de 1 pour 1000, hein, je crois. Oui. Donc c'est quand même extrêmement faible. Mais il faut pouvoir les supporter, voilà. D'accord. Donc il faut voilà, un peu de... Voilà, c'est pas toujours un échec, on n'est pas, il n'y a pas toujours de faute. Voilà, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas de faute. Oui, il faut arrêter la culture de la faute. De la faute. Plus que du tabou. Plus que du tabou. C'est vrai qu'on se sent en faute quand ça arrive. C'est... Non, non. Je reviens, toutes les religions monothéistes sont basées sur la faute. La faute. Mm. C'est pas une faute. Une IVG, c'est pas une faute. C'est, voilà. Il y en a qui seront jamais confrontés à l'IVG parce qu'elles sont pas très fertiles et des hommes qui sont pas très, elles sont avec des hommes qui sont pas très fertiles. Alors, youpi, hein, pour ces gens-là, hein. Ils connaîtront jamais l'IVG. Mais les autres, ben, voilà. Bah, il est maintenant le temps de se quitter. Hein. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi pour parler de tout ça. Merci à tous. Merci. Merci pour ce bon moment de partage. C'est vrai que l'IVG, c'est un sujet très vaste. Vous m'aviez dit, Catherine, quand je vous ai contactée, vous pourriez faire aussi une émission avec une association qui milite pour le droit des femmes, par exemple. Oui, parce que heureusement que qu'elles ont été là, les anciennes, pour en arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Merci à toutes ces femmes. Ouais. Alors j'espère aussi que via cette émission, certaines personnes arrêteront de culpabiliser les femmes qui souhaitent subir une IVG. C'est un choix personnel et merci de le respecter. Voilà. J'aime bien aussi ne pas dire subir une IVG, avoir recours à une IVG. Parce que c'est pas forcément subir, quoi. C'est vraiment prendre le choix, c'est justement ne pas subir pour moi. C'est bien, c'est via cette émission, on apprend aussi des choses, donc merci pour cette petite mise au point. C'est personnel, hein. Oui, mais il n'y a pas de souci. C'est bien. Alors, les médias sont faits pour informer les gens. Auditeurs, nous ne sommes pas là que pour vous divertir, nous sommes là aussi pour vous tenir au courant de tout, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'ignorance, et je pense que c'est dangereux de vivre sans savoir. Donc, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde!